70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Patao! Hey, salut tout le monde, c'est Johnny. Je suis très content de vous reparler, comme à chaque lundi, hein, ça fait quand même longtemps. J'aime ça en parler parce qu'on arrive au moment où je vais pouvoir vraiment dire que j'ai fait 10 ans de 70%. Pour l'instant, écoute, on a un gros show à soir, puis j'ai un petit smirk ici de quelque chose. Il y a comme Mathieu Niquette en bédaine qui est en train de se pinoper pour devenir le Mathieu Niquette qu'on espère pouvoir vous présenter optimal. On a aussi les gars de Total Crap qui sont ici en studio avec nous pour nous parler de leur dernier Total Crap. J'aime ça, hein? C'est une entreprise qui dure. Ça fait quoi? Ils sont rendus à 5, 6? À 11, on me dit. Ouais, c'est ça, ça va vite en sapristi, pareil. Et sinon, ben, on a l'éventuel Mathieu Boudreau. Ça va, Mathieu? Ouais. T'as dit que tu voulais pas nous parler tantôt, mais c'est du guéri. Un peu en crise. Ouais, non, c'est correct, là. Ouais, là, tu vas. Ça okay. Va mieux. Okay. C'est bipolaire. Ah oui, ben, on a. Ah ouais, hein? Merci, les gars. C'est le gars avec des dreads. Le gars avec des dreads, et voilà. Ouais, ouais. Il est partout, tout le monde en parle. Et donc, c'est ce soir qu'il était par ici. Si vous avez à faire un montage, je vais rajouter les mots « j'aime les noirs et pas ». Vous mettrez ça dans l'ordre que vous voulez après. Sinon, c'est un 70% vraiment dans l'ordre qui se passe d'habitude. On a un long métrage qui a été voté sur le site de l'organisme au www.douteux.org. Et ce long métrage, c'est quelque chose que j'adore, quelque chose d'unique. Et pour le présenter, j'ai Maestro ici. On va avoir une chanson unique à mettre en background, vraiment quelque chose de magique. On l'entend. Hein? I pimp it up un peu. À Toto où il embarque, on a les valeurs du terroir. Ces gens-là portent des costumes dans certaines cérémonies, Tony. J'adore ça. C'est vraiment ma découverte de l'année 2013. C'est la chanson de trio vendue séparément. C'est Fill Me Up With Ice. Bravo. Ils l'ont fait sur la trame sonore, en fait, sur la pub qu'on va écouter juste après. Le film, il faut que j'en parle parce que je voulais juste trouver un prétexte pour vous faire bien écouter comme il faut la toune d'avant. Mais le film, c'est Low Blow, version française, Cuba. C'est avec Leo Fong dans le rôle de Joe Wong. Tout ça, ça se peut. Et c'est vraiment un film. La première fois que je l'ai vu, j'y ai donné un moins 5, moins 6. La deuxième fois, moins 7, moins 8. La troisième fois, moins 8. Et puis là, j'ai hâte de le réécouter. C'est un excellent long-métrage. Ah ben, écoute, pour vrai, il y a un cocktail d'acteurs là-dedans. C'est explosif pour n'importe qui aime les films douteux des années d'action 80. Tu sais, les vrais films d'action. Oui, oh oui, moi je suis de même. Ben à rien. Hein? Tous les pas vrais films d'action au four. Mais, tu sais, des Cameron Mitchell, des Troy Donahue, j'ai hâte de vous en reparler. Ça va être en complément d'émission, comme on a mentionné. En fait, on va aller écouter la publicité. Et puis aussi, on va écouter, je pense, la toune de Dr. V. C'est sa nouvelle. Comment qu'elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Biscuit Social. Biscuit Social. On appelait ça de même. Ma grand-mère appelait ça de même aussi, des biscuits sociaux. Ouais. Donc, c'est un beau 70% qui commence. T'as Étienne aussi. Étienne est avec moi. Excusez, j'aurais peut-être dû t'annoncer avant. C'est une de mes armes secrètes. Innée, acquis, on ne le sait plus. Et voilà. Mais sinon, tu vas nous parler de quoi ce soir, Étienne? J'ai apporté 10 versions de la même chanson, puis vous allez devoir sélectionner votre préférée. Ou juste deviner qui la chante, genre. Bon, non, ça va être sa photo qu'on va montrer. OK. Bon, on prend des notes. Sortez un cahier. Est-ce que tu proposes une grille d'analyse ou... Non, chacun va avec ses propres guitares. On vote avec nos tripes. C'est le genre de vote qu'on aime. On est à 70% pour encore une bonne heure. Donc, comme je le rappelle, ben, en fait, comme je le rappelle présentement, tu sais, parce que... Alors, on a Mathieu Niquette. On a Total Crap. On a Mathieu Boudreau, on a Étienne Forêt, on a peut-être Fred, on va s'en reparler dans pas longtemps. C'est un gros 70%, bougez pas trop loin. Là-dessus, on met la pub et puis en plus, la toune de Dr. V, on l'aime bien gros. Salut docteur, il n'y a aucun diplôme de docteurologie, mais c'est un docteur pareil. J'ai l'impression que tu es hors service depuis trop longtemps. Qu'est-ce que t'en dis? Une dernière mission. J'en ai marre de cette merde! Maintenant, je suis jardinier! Yeah! cahier d'un pipé pour griller sa ruine chauvée au nez. Biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social, biscuit, biscuit social. Bravo à Dr. V, le port ailé, j'adore ça, cette chronique-là, le port ailé, Dr. V. Salut mec, on va aller se voir, on va aller tourner un clip là-bas, mais là on parle pas de ça, pour l'instant on est en studio, on a les deux gars de Total Trap, je parle de Cal Pilote et de Simon Lacroix. Salut, ça va? Hello, hello. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. C'est quelque chose que vous faites depuis quand même une bonne tranche. On est rendu à pas loin, on est rendu à 11e édition, donc si on compte les 2 ans de niaisage qu'on a fait avant première, ben on peut dire que ça fait peut-être 13-14 ans là, qu'on ramasse du stock. Qu'est-ce que tu veux dire par là, les niaisages avant la première? Ben le fait de la première rencontre, moi pis Simon, chez nous. C'était tendre, non. Les rideaux étaient de quelle couleur? Il n'y avait pas de rideaux. Avec les voisins voient. Non, c'est sûr que la première fois qu'on a eu l'idée de faire Total Crap, puis le temps qu'on a pris à trouver assez de stock, puis à faire la première projection, on peut dire ouais, environ 13 ans. Là. Ben, tu sais, comme moi, les premières fois que j'ai fait des genres de montage, scratch vidéo, un peu comme Total Crap, c'était en 2000-2001, dans le temps de Kino à Québec. Ouais, toi, t'as un projet on the side aussi, le S-Bart, c'est quand même quelque chose de reconnu et tout, là. Ben, c'est... reconnu, je sais pas. Ben, en tout cas, moi, je pense dans l'underground québécois, t'as une place, là, humblement, ouais. Là. Oui, oui, bravo. Mais S-Bart, qui passe pas dans le séjour, mettons. Pas encore. Peut-être savoir sa petite page de bande dessinée un jour. Peut-être à côté de livre. Mais toi, tu veux dire qu'au travers de Kino, t'as comme pogné la piqûre du collectionneur, mettons? Ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, une fois que je savais pas quoi passer à Kino, puis j'étais la projection avait lieu le dimanche, puis on était rendu vendredi, je savais pas quoi passer, puis j'avais un vieux tape de lutte internationale québécoise que j'avais depuis 1986. Fait que j'ai décidé de faire un montage avec ça, parce qu'à chaque fois que je le montrais à du monde qui venait chez moi, ben ils trouvaient ça super drôle. Fait que là, j'ai montré ça, puis là, ça, le monde dans la salle se roulait à terre. Et voilà. Sauf que, tu sais, ça restait là pour sur le coup. Puis après ça, ben moi et Pascal, on s'est parlé qu'on chacun de notre bord, on collectionnait la mauvaise télé ou peu importe. Ouais, ça s'est passé la sur variété, la, hein, sur la on appelle ça de la variété. La variété, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, parce que dans le fond, on aime ça. Ah oui. On aime ça, regardez ça, on est diverti, puis on veut pas, en tout cas, qu'il se fasse mal, mais qu'il y en ait d'autres qui arrivent. On veut avoir des nouvelles sources, là, mais je veux dire, la piqûre du collectionneur, toi, t'as développé ça comment? Si lui, c'est au travail du Kino, maintenant. Ben, je sais pas, j'ai pas mal tout le temps tapé de la télé étant jeune, je dirais la première affaire qui m'a fait réaliser qu'on pourrait peut-être partir Total Crap, je pense que c'est Francky Vincent, chanteur de Zouk, jamaïcain, que j'avais tapé, puis là j'avais fait OK, Antillais, wow, excuse-moi, on s'en calisse, mais anyway, je pense qu'il est poursuivi par tout, il s'est ouvert un restaurant, puis il a comme fourré tout le monde, s'est sauvé. Non, c'est pas lui, en fait, c'est les associés qui a pris, Étienne est super plugué là-dessus. Ah ouais? Ouais, c'est toutes les scoops, lui. Non, tu t'en rappelles pas de ça? Je connais pas son histoire, je connais juste toute sa musique. Moi, de ce que je me rappelle, ce qui va devenir le fait sur lequel on va appuyer le reste de la conversation, c'est que il s'est fait fourrer par les gens qui avaient engagé pour s'occuper de la chaîne de resto qu'il avait bâti. Et comme les gens l'avaient fourré, lui-même, il avait écrit une toune pour dire « Allez pas manger là, ça goûte le caca et les mèches. » Ça goûte les zizi. Blablabla, ça ne marche pas. Et voilà. Mais je veux dire, oui, c'est... C'est un beau levier avec lequel ouais, fait pas mal avec ça que ça a parti. Puis c'est ça, on s'est rencontrés à Québec, je me souviens plus trop pourquoi, puis là on s'est comme... Je pense que c'est venu chez nous, ça avait montré Harvey Sid Fisher, le chanteur d'Horoscope. Je pense que la conversation avait commencé dans un magasin de disques parce que je travaillais à l'époque une journée par semaine. C'est cool ça. C'est ça. Donc c'est Québec, la ville où tout a commencé. Québec wow. Power. Ben, les gens se parlent encore à Québec, tu sais. Ben, ça, on le souhaite, hein, c'est important. Ah, ouais. Eh ben oui, est-ce qu'un bon souvenir, une bonne place à aller voir à Québec, Pascal? Mettons, moi j'ai une soirée à passer là. Une soirée à passer à Québec, Chris, je sais bien. Ben, mettons, des places à sortir, là, pour prendre une bière, là. Sacrilège, terrasse arrière. Très joli nom. Sinon... Tout le monde dit ça, mais c'est vrai que c'est pas si pire, là, mais... On parle du burger chez Victor. Ouais. C'est à mettre à la mais journée. Mais t'as la Ashton, terrasse... Comment? Ashton en a perdu ça, beaucoup. Soirée, mais... Ashton en a perdu, beaucoup les derniers temps. C'est plus comme dans le temps. Non, les frites sont rendues. Le Dagobert, c'était quoi, c'était genre... Le Dagobert, c'est... Ça dépend, c'est quoi ton hotness, là, mais... Le salon d'Edgar, là, il y a une petite... Parce qu'à l'heure. Il a dit un micro à ce pauvre Mathieu. En fait, au scanner, c'est là qu'a eu lieu la première projection de Total Crap de tous les temps. Oh, respect. Plusieurs ont suivi. Parce que les autres bars qu'on a contactés avant, ils nous disaient que non, ça ne marchera pas votre affaire. Ben oui, c'est sûr. Comme les visionnements douteux, on s'est promené de 4-5 places. Moi, je lui disais, donnez-moi 6 mois, vous allez voir dans 6 mois. Puis après 3 semaines, ils disaient tout le temps, ben non, ça montrera pas. Ah, ils veulent tout le temps les résultats tout de suite, mais ça marche pas de même, tu sais. Exactement. On parle à tous ceux qui pensaient s'y connaître à des affaires qu'ils connaissaient pas, dans le fond. Ouais, exactement. C'est comme le gars qui a refusé de produire les Beatles en disant que ça pognera pas, tu sais. Ouais. Il va être content, lui, maintenant. Ben oui, c'est ça, ils sont allés en Allemagne après. Mais il a perdu sa job pas longtemps après ça, c'est le gars de Decca Records. Ouais. Exactement. Ah, c'est apprécié, parce qu'en plus d'être un collectionneur, t'as la mémoire. Oh! Ok, c'est bon. Si je te dis, mettons, Ron Shannon boit du Life Plus. Ça, je pourrais pas te dire. Ben. Ok, c'est bon. Ben... Alors, ben, j'aime ça, c'est la première fois qu'on jase. Là-dessus, 7 juin, c'est le Total Crap 11. Numéro 11. Est-ce qu'il y a comme une thématique générale? Est-ce malaise général, on pourrait dire. Ouais, ce coup-là, on l'a réécouté dernièrement, on s'est dit, je pense qu'il va y avoir un gros malaise toute la soirée. Mais on aime ça dans Total Crap, cultiver les malaises de la foule. Exactement. Mais là, celui-là, il est quelque chose de plus. On va peut-être avoir une surprise. Ça, c'est pas sûr encore. C'est pas sûr. Mais... Si la fille trouve la tape, ça va rajouter au malaise. Bon, on souhaite bonne chance à la fille. Parce que, en fait, je peux donner un indice. Ça met en vedette un réalisateur connu québécois. Dis pas d'affaire. Et voilà, on vient de parler de Gilles Carle. C'est Paris va trouver la cassette avec les états spéciaux. Merci beaucoup au gars de Total Crap. Ben, merci beaucoup. C'est le 7 juin que ça se passe. Ça devrait être au Club Soda. On espère que ça devrait être au Club Soda. Sinon, on est dans la merde. Sinon, on va écouter le trailer de ça. Puis on vient à 70% pour le reste de l'émission. Merci. Balou, balou, balou, balou. Protection 100 fois plus résistante que n'importe quel tir ordinaire. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Toi, payer pour toi, car elle nous en donne 3 pour le prix d'un. Moi, ma préférée, c'est l'action verrou. Le bolt action, c'est nous autres qui actionnent le mécanisme. OK? Pourquoi se faire que tu étais triqué de main? Faire réagir le monde. Faire réagir à quoi? Pour être invité à TV? Oh non, non. Ça fait plaisir de te continuer. Je regarde tantôt. Oui, ici. C'est très important que tu touches jamais aux yeux avec le maquillage. Quel genre de d'hommes vous attire, vous? Les gros avec des boutons. Avec des boutons? Oui. Dans le visage? Oui. On a de la misère aujourd'hui un peu. Ah, non! Ah, ben oui! On a le temps de continuer ça. On commence, allez-y. La version officielle de vos artistes préférés. messieurs, j'espère que vous avez dansé, hein, parce que c'était très entraînant, Claude, avec ces rock, mélange de, ouais, mélange de rock. Hein. Ça nous a donné le goût, là. Je dis que nous autres, on se faisait aller. Là. Hey, j'ai retrouvé ça dernièrement. On écoute Hervé, Mélanie et moi de l'excellent groupe défunt Lemon Twist. On revient à 70% dans à peine 3 minutes avec, je sais pas si ça va être qui le chroniqueur, mais ça va être impressionnant. Activé par ce bel action, il voulait une éducation gratuite, une chance de voyager. Il décida donc de s'enrôler dans l'armée et lui permettrait d'accomplir toutes ces choses merveilleuses dont il a toujours rêvé. Un jour, il a prié avec fébrilité qu'il allait être mobilisé dans un petit pays où rien n'allait plus. Il allait enfin voyager et goûter la culture du pays mal ajusté aux vagues de changements politiques et philosophiques. Et qui s'est soufflé en quelques jours un conflit centenaire au nom de la raison et de la justice internationale. Hervé a appris beaucoup plus qu'il ne le croyait. En quelques semaines, il a vieilli de 15 ans, a perdu des amis frôlés et senti la lourdeur de la mort. Il a vu la couleur du sang sur l'herbe et l'asphalte. Des coups de feu résonnent encore dans sa tête. Son regard a changé, ses rêves ont cédé leur place à l'angoisse et à la nature. Hervé est bien vivant, mais une partie de lui est enterrée là-bas avec ses amis. Dans une maison d'aime d'une amie, un soir de novembre, la neige couvrait le sol depuis quelques jours. Je n'avais pas du tout envie d'être là, c'était des gens que je ne connaissais pas. Et je détestais ces conversations dénudées et de sens toujours habitées par d'interminables silences. Et au bout de ce temps-là, raconter n'est vraiment pas mon genre. Je faisais semblant d'écouter ce qu'il disait, mais j'ai vu qu'elle avait du persil dans les dents. Il a des lignes dans la moustache. Heureusement, le ridicule ne tue pas. La nature morte sur le mur reflétait bien l'ambiance de cette soirée. J'aurais voulu partir, mais nous venions d'arriver. Jamais vraiment aimé l'école, trop de blabla, pas assez d'accent à son goût. Elle avait l'habitude de se présenter machinalement à ses cours, un peu pour plaire à ses parents et s'amuser avec ses amis. Ses mains ont toujours été assez moyennes et assez identifiées à ceci et croit que l'intelligence est mesurée au résultat scolaire, alors que ce n'est souvent qu'une question de mémoire à court terme. Elle n'avait pas de vision de carrière, mais un jour tout a changé lorsqu'un jeune homme est venu remplacer son vieux prof d'histoire. Elle s'est identifiée à juste un qui l'écoutait. Tout allait bien pour elle, sinon qu'un père vient pas jusqu'à 100. Au fond, elle était secrètement amoureuse de juste un. Mais le matin, il n'était plus là, le vieux prof ni deux avait pris du mieux. Hervé, Mélanie et moi avons autre chose dans la tête. Hervé, Mélanie et moi n'avons pas la tête à la fête. Mélanie m'a dit qu'elle avait finalement réussi à l'école. Mélanie m'a dit que Justin l'avait rendu complètement folle. Hervé verra plus la vie de la même façon maintenant. Hervé prend plus s'amuser sans revoir la guerre à chaque instant. J'ai dit Hervé, Mélanie et moi avons autre chose dans la tête. Hervé, Mélanie et moi n'avons pas la tête à la fête. Hervé, Mélanie. Background aujourd'hui? Ah, bah ouais, t'as en fait C'est juste que moi, je le vois pas. OK. On travaille dessus. Là. Anyway, on est là pour t'entendre. Là. Bon, c'est ça qui compte. Hein? Bon, fait que cette semaine, mes bons amis, j'ai décidé de faire un petit spécial. Et ça ne sera pas un top 5 comme j'ai l'habitude de faire ici. Ce sera plutôt 10 versions de la même chanson. Et votre but, c'est à la maison et en studio d'essayer d'identifier celle que vous préférez. J'ai choisi une chanson et on va mettre fin à ce débat-là. Ouh. Ça va être clos après. Vous saurez. C'est quoi la chanson? C'est comme d'habitude, originalement, de Claude François. J'ai pris cette chanson-là comme ça par hasard. En fait, ça a donné qu'en fin de semaine, j'ai mis à jour ma base de données de mes disques vinyles parce que j'ai une base de données en arrière de ça. Sinon, je sais plus qu'est-ce que j'ai puis où ce qui est quoi. Ça commence à faire beaucoup. En fait, c'est la première différence entre un collectionneur et un ramasseur. Exact. Un order, mettons. C'est que moi, je peux trouver ce que je cherche. Et voilà. C'est ça l'intérêt. Puis là, j'avais un gros backlog. Fait que là, j'ai rentré tout ça là-dedans. Puis là, après ça, pour le fun, je me suis fait une petite query dans Access, tu sais, puis j'ai marqué pour trouver la toune que j'avais le plus de versions 2. Et puis, essayez de deviner, j'ai une toune en 37 différentes versions. Calvaire de Christ. La misère de sacrament, là. La mort de l'imagination. c'est facile de... L'hymne national américain. Non. My Way. Non, c'est pas ça non plus. Il s'agit en fait de Noël Blanc, tout simplement. Évidemment, toutes les tunes de Noël sont reprises à la trentaine de fois. Le folder de Noël était ouvert. Si on enlève le folder de Noël, la tune que j'ai le plus souvent, en différentes versions, c'est la Bastringue, que j'en ai 10 versions de ça. T'avais pensé à moi qui dit « fuck le folder ben, » parce que Noël. Moi-même, en voyant, je dis « ah ouais, ok, c'est sûr, c'est triché, tu sais. » Là, j'ai checké sans ça. Bon, ben, bravo à puis la là, ben, comme d'habitude, j'en avais 5 versions, puis j'étais allé en trouver d'autres après, parce que les 5 versions se ressemblaient pas mal toutes, fait que j'ai mis à profit les tubes, et puis j'ai trouvé plein d'affaires. Donc, premièrement, on va écouter un peu le début de l'original de Claude François. De se saucer dans la vraie affaire. Se saucer avec Claude François. Eh oui, et espérons que les lumières ne sont pas allumées. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Moi, j'adore Claude François ». Non, ben ici, c'est rare. Tant que Claude François l'aurait déjà dit. une fois ben sous. Fait que bon, on la connaît tous. C'est quand même une chanson intéressante du fait qu'elle a été reprise ensuite pour devenir My Way et non pas le contraire, comme ce qui se faisait beaucoup dans ces années-là. Donc, c'est lui qui a fait l'original. C'est lui qui a écrit My Way. Il a écrit comme d'habitude, qui est devenu My Way par après. Donc, ça, c'est la fait vraie. Fait toi, là. T'as dit My Way tantôt que t'avais un peu raison. Ben, c'est parce qu'il pensait à ça. Ouais. Ben, c'est ça. J'avoue que j'avais oublié l'information que c'était venu après. Ouais, Claude François en premier. Donc, c'est ce qui est intéressant de la faire en 68 et il nous fait ça. Donc bon, voilà. Fait que cette version-là, c'est la version 1. Maintenant, on va aller voir la version 2, si vous aimez mieux ça. Il s'agit de la version très connue de Diane et Cynthia. C'est déjà bon. Cynthia qui s'écrit S-Y-N-T-H comme un synthétiseur. Cynthia. Ouais. Ouais. Je te bouscule. Voilà. Je trouve ça bon, moi. Comme d'habitude. Qu'on s'entend que ça casse pas des briques. Je l'ai surtout amené pour la pochette. Je l'avouerai candidement. La pochette de Diane et Cynthia. Donc, ben, aussi, c'est une des versions. Peut-être que personne va voter pour. Mais la pochette dans la grille que tu es en train de nous proposer prend une place. Ça prend, ouais, ça compte. La pochette ou Cynthia, que je crois que c'est elle, a l'air d'un zombie survolté. C'est la droite, là. C'est ouais. La droite avec c'est les cheveux blonds. Ouais. Les cheveux morts. Les yeux morts et le grand sourire squelettique, donc voilà. On va l'avancer un peu au milieu. Alors, il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucune couille. Ben, c'est deux filles, tu vois. Oh, que la porte était ouverte. Voilà. Physiquement, il y a. Je suis allé là, mesdames et messieurs. Voilà. Plus de détails, le vrai EtienneForêt.com. Pas fermé ça, je pensais qu'il avait pu s'arrêter. Je parle non, pas le mien. Moi, je vais pas fermer le mien. Non, il a juste arrêté. Hey. Pas encore. Moi, je suis pas ce genre-là. Okay, j'essaie de répondre aux pressions. Next, saviez-vous que en 68, Michel Pagliaro avait chanté comme d'habitude? Et pas du tout dans le style qu'on lui connaît d'habitude. Toutefois, il avait pas pris de douche cette année-là. Non, ouais. Chanté de 69 et 70, je crois. Ah oui, c'est celle qu'il n'y avait pas de photo. Non, là, une photo, c'est tiré de l'album Les Super Vedettes des années 60. Okay. Moi, c'est là que je l'ai pogné, moi. On a des années 60. Ouais, Michel Pagliaro, il était né dans les années 60. Ouais, ben, en fait, il chantait ça. Puis c'était son premier album, en fait. Tiré de son tout premier album. C'était pas rocker du tout. Ben, smooth. Ouais. Faut l'avancer un peu au milieu. Hey, ça lire, c'est. Je suis triste de dire qu'à date, c'est celle de Claude François, ma préférée. Là. C'est possiblement que ça va rester de même. J'avouerais que ça s'en va pas en s'améliorant. Hein? Tu fais jamais ça. J'ai l'habitude de classer de même. Oui, oui. Comme d'habitude. Bon. Moi, je savais pas, je trouve que c'est une bonne joke que tu viens de faire. Oui, c'est ça. Non, pour vrai, je suis sincère. Je pense que c'est parce que les gens sont occupés que ça n'a pas ri. Ouais, c'est ça, je comprends. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, ensuite, en 85, il y a Mireille Mathieu qui, évidemment, s'est permis de refaire ça sur son album Les grandes chansons françaises. Un de ses albums. Un de ses centaines ses d'albums qui sont en 8 copies dans chaque marché au plus. Là. Mm. C'est une affaire facile à trouver. C'est un album de Mireille Mathieu. Ça, sérieux, là. Surtout si ton but c'est de trouver n'importe lequel. N'importe quel album de Mireille Mathieu. Je ne répondrai pas à toutes ces questions. Il n'est pas question. Fait que, on a ça, Mireille Mathieu. Je vais l'avancer un peu, comme toujours, parce que c'est le fun de voir un peu le milieu. Moi, j'entends pas grand chose ici en studio. Oh, ça va bien pour grand nombre. Là, c'est ce qui compte. Oh, oh. La beauté. C'est dans l'album, ça, hein? C'est ça que tu me dis. Ouais, ça fait partie de l'album. Oh, il y a du fil. Il y a trop de micros. C'est pas grave, ça. On essaie de faire plaisir à notre DJ. Ouais, mais on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Ce qui est sûr, c'est que ça l'améliore en rien ce que Mireille Mathieu est en train de chanter. Non. On n'est personne en train de vivre des beaux moments qui vont devenir glorieux et rester empreints dans notre mémoire jusqu'à notre décès. On ne sait pas. Next. Il y a du monde qui l'aime. Ensuite, plus près de chez nous, en 79, il y a Fernand Gignac qui l'a reprise également. C'est ce qui allait être taqué. Sur son album brun. L'album brun. Fernand Gignac, qui s'appelait 30 ans de carrière. C'est l'album qui s'appelle l'album brun? Il s'appelle pas vraiment l'album brun, mais il est brun. Il s'appelle 30 ans de carrière et vos plus belles chansons d'amour. Donc, en fait, il est éponyme. C'est l'album brun de Fernand Gignac est éponyme. Je suis brun. Tel qu'annoncé à la TV. C'est écrit dessus. Voilà. Là, on entend Fernand Gignac chanter. Là. Ouais, qui nous fait du fun très typique. Est-ce que le trémolo est au rendez-vous? Le trémolo y est, comme d'habitude. Hein? Oh! Moi, je l'entends vraiment zéro maintenant. Tantôt, j'entends un peu, mais là, c'est bizarre. Ça fait bizarre. Ouais. Ça vient d'une époque reculée. Hein, faut ouais, dire. C'est ça. Je pense que la console en arrache pour me faire jouer le son, mais bon, on y va comme ça, à l'aveugle. Non, moi, je l'entends, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tant que les gens à la maison l'entendent, c'est ce qui compte. T'es sûr que ta plug est... Je m'habille très bien. Il y avait pas c'est facile de remarquer la poutre complet. Dans les yeux des autres quand on pourrait s'asseoir sur la paille d'un chameau. Bien dit. Mais ça serait facile d'acheter un autre fil aussi. Il y avait ça pas. Fait quand même 2 ans qu'il va mal, ce fil-là. Donc maintenant, Fernand Gignac, on peut l'avancer encore un peu. Et passer d'un Fernand à un autre. Parce que tout de suite après, j'ai Fernand Lapierre. Oh, Fernand. Fernand Lapierre qui, lui, a décidé de nous interpréter ça à l'orgue, comme il se doit. Sur son fabuleux album Fernand Lapierre à l'orgue volume 9. Ça fait vraiment sous-sol. Eh, misère, c'est ma préférée à date. Ah oui, ça on l'oublie souvent, là, c'est des beats choisis d'avant. Ouais, ouais, c'est bizarre. Mieux responsable. Ouais, ouais. Encore une fois, je l'avance au milieu. Aller chercher le bon bout. Ah, c'est la meilleure, ça, c'est sûr. Ça met dans l'ambiance, en tout cas. On a le goût de s'asseoir sur le bord d'une piscine avec un martini, avec une olive ouais. dedans. Et on te reconnaît aussi. Des heures d'ascenseur. Fernand Lapierre, voilà. J'ai pas l'année de ce disque-là. Ben, c'est intemporel, là, tu sais. C'est ça, pas. C'est toutes les années à la fois. Voilà. Ensuite de ça, ben il y a j'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui s'appelle Chorus Krudim, c'est un Tchèque, qui a décidé de faire une version sax de comme d'habitude. Fait que c'est lui que j'ai pas de pochette. Parce que ça vient de YouTube. très Kennedy. Oh yeah. Il y a quelque chose de rond dans la note. Ouais, c'est très rond en bouche, rond en oreille. Comme toujours, avançons dans le feu de l'action. C'est-tu André-Philippe Gagnon? C'est ça qui chante tout le long. Il est super bon dans ce numéro-là. C'est vraiment... Après ça, ben, j'ai trouvé un gars qui s'appelle Bensi Vidal, qui lui aussi a tenté de le faire au saxophone en ayant certainement en tête cette sonorité-là, mais ça n'a pas donné la même chose, étonnamment. Ouais. Les premières notes. La première note de chaque réseau, là. Score, man, t'as trouvé mon préféré. Celle-là. La photo, j'ai pris une photo du milieu de sa vidéo. Là, on le voit en train de jouer dans ce qui semble être, je sais pas, centre d'achat. Le centre d'achat. Moi aussi, j'avais ce mot-là. Le gars à l'orgue, ça reste mon préféré, par contre. Ah, ben tu vois, chacun y va avec son choix. Puis là, lui, je vous conseille fortement, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je vous conseille fortement d'aller trouver ça. Bensi Vidal. Écrivez My Way, parce que lui, il pense que c'est My Way qu'il fait, mais anyway, il chante pas, donc on s'en fout, c'est juste l'air. Hein? Puis vous allez pouvoir le trouver pour l'écouter au complet, parce que c'est vraiment bon. Je vais avancer aux 20 dernières secondes. La finale vaut vraiment la peine. Il va mourir, arrête! Ah ouais! Il a fait ça comme ça, lui! Il est encore dessus! Ah, il l'a fait à sa façon! Voilà! Ça, c'est clair! Façon. Bon, ensuite de ça, ben, on va changer d'instrument avant pour se diriger vers Romeo Vaduva et sa flûte de Pan. Oh! T'as aucune réserve, toi. Non, moi, j'étais tout azimut. Même Linda Lemay, il était à seule limite à un moment donné. Je l'ai pas respecté. Ouais, à un moment donné. J'ai dépassé. J'ai pas eu le choix. Elle m'a eu. Ah ouais. Ça part bien smooth comme ça. Puis là, la flûte embarque après. Oh, shit. C'est toujours Belgique à chaque fois. Ça vient en fait d'une cassette que j'ai achetée dans un marché aux puces. C'était comme une copie, une cassette copiée TDK marquée Romeo Vaduva. Vous excuserez la qualité sonore. Je l'ai trouvé à la pochette sur Internet. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui jouait de ça ou peut-être pour vrai? Moi non, personnellement, jamais. La flûte de Pan? Flûte de Pan. À part Pan, là. Je pense que ça n'existe pas. Je ne vais pas là. Il n'y a aucune belle réponse. It's my first day. Non, mais ça. Mais il sait pour poser des questions, mais. Fait que la flûte de Pan, ça nous berce, ça, maudit. Et là, on est rendu à ma dernière version, mesdames, messieurs. Alors, est-ce qu'on peut se parler date, un petit peu? Où est-ce que vous en êtes? Là, toi, c'est-tu encore à l'orgue, Fernand Lapierre? Je te dirais, je suis un gros fan de flûte de Pan. Moi puis les quatre autres gars, on se rencontre souvent dans des sous-sols spéciales. J'en parle pas souvent. Écoutez Radu. Et voilà, Radu Zanfir. Et sa flûte de Pan. Zanfir, et Roméo Vaduva, qui sont les trois. Voilà, et toutes les drames sonores de films médiévaux. Ouais. C'est vraiment le gars à l'orgue. Tantôt, moi, c'est mon préféré. Ça reste lui. Ouais, ouais. Mathieu, toi, où est-ce que t'en es? L'orgue, wow. L'orgue, ça t'a rejoint? Fernand Lapierre, on va le mettre en background pendant qu'on parle. Fait que vous, là, on est deux sur l'orgue. Dans le salon, criez-moi quelque chose. Flûte de Pan, on a un vote flûte de Pan. PJ aussi, flûte de Pan. On a deux flûtes de Pan. Deux votes pour le dernier qui a joué avant, c'est original. Oui, c'est à cause de ça. Mais là, peut-être que tout ça va changer, parce que j'en suis rendu à ma dixième, et là, je sors ma carte forte. Qu'est-ce que je fais tout le temps quand il me manque une toune dans mes chroniques? J'écris le nom de la toune et j'écris « Remix » au bout dans YouTube. Et je ne suis jamais déçu. Voilà, tu peux pas être déçu. C'est impossible. Le truc du manque. Je vous donne ce truc-là. fait ça. Et puis là, j'avais du choix. J'en avais comme 3-4 et j'ai choisi le meilleur. Donc, il s'agit de Claude François et Vidance Vincent. Déjà. Ah, ça va être comme d'habitude, remix. Ça commence smooth. Ça commence qu'on le sent pas trop venir. À part une bonne présence de bass drum. Là. Ouais, il y a un gros comme d'habitude. Sur toi, oh. Je remonte le drame. Ah ouais, on doit plus, hein? Quand même ça sent, après, là, ça monte, là. On sait où ça s'en va. Vidance Vincent au table tournante. Maman, oh, voilà. Oh, on est lancé. Il y a pas assez de kung fu dans le monde. Mais je ça. Ça va bien ensemble, hein? C'est ça qu'on remarque. Ah, c'est elle qui a gagné. Oh. Moi, c'est sûr, c'est tout le temps la version dance, ma préférée. J'aime beaucoup ce beat-là. Surtout général. Celle qui dure 12 minutes. Ouais, elle, elle dure 5 minutes et demie. Tu sais qu'on ne l'écoutera pas jusqu'au bout. Non, je sais. Mais okay. Voilà, fait que c'était ça à la maison, choisissez. Si vous voulez me rejoindre, j'ai un groupe Facebook DJ Georges à douteux.tv. Et ouais, le vrai Étienne Forêt. Le vrai Étienne Forêt.com, c'est là aussi. Écrivez-moi c'est quoi votre préféré, puis on fera des stats entre les deux personnes qui auront répondu. On verra. Le défi est là. Mais les bougalous, sinon. Ah, les bougalous. Hey, j'avais oublié en plus les bougalous. Hey, je suis content, ouais, tu vas en parler. C'est un certain JSMP qui m'a dit qu'il y avait une nouvelle entrée. Il y a, effectivement, il y a une nouvelle entrée. Ah, puis je voulais la préparer, puis tout, puis j'ai oublié, mais en tout cas, il y a un certain John Marshall. Oh. Qui a mis une nouvelle photo sur la page des Bougalous. Il s'agit d'un dessin d'un bonhomme ananas avec le CD des mains en dessous d'un palmier. Concept est presque saisi. Ben, il y a une chanson, une chanson très populaire sur Radio Cochonnerie des Bougalous qui s'appelle Les Ananas. Ah, et voilà, puis ça a été mis là comme ça et liké et commenté par les Bougalous. Donc, on est rendu quand même à 4 entrées si on compte l'exemple du chanteur dans ce fameux concours de selfie avec l'album des Bougalous d'un main qui bat son plein depuis 7 semaines et qui tel un concours à décider n'a pas de date de fin apparemment. Le prix, j'espère. Ben, le prix, c'est censé être un souper avec les Bougalous. Ouais, c'est censé, tu l'as dit, c'est ça notre truc à décider. Ouais, exact. J'attends toujours mon t-shirt avec la face de Julien dessus. Attends, mon boy, attends. Ainsi que ma boîte de pizza promotionnelle livrée avec le jeu Catherine. Deux affaires que j'ai gagnées à des CDR. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Fait que c'est ça, les Bougalous, c'est serré. Une lutte serrée. Je sais pas quand ça va finir, mais j'espère que c'est bientôt parce que j'ai faim. C'était ça. Merci beaucoup, Étienne. Salut. On poursuit l'émission. Ça va être encore une fois. Ah, j'ai comme double-cliqué dessus, là. On va faire une espèce de transition. On est à 70%. Merci beaucoup, Étienne. Yes. C'est Lemon Twist. Encore? Ah, ben là, écoute, c'est une journée spéciale. Ça arrête plus d'être ça. Encore une heure, passée sans toi. encore une heure où je ne vis pas. Encore une heure passée sans toi. Encore une heure où je ne vis pas. Encore une heure passée sans toi. Encore une heure où je ne vis pas. Hey, ça là, pour vrai, j'avais 14 ans, puis j'allais pêcher sur le lac de Montigny, en arrière de Sullivan, la source de la rivière Aricana, la plus longue rivière au Québec. C'est là que j'ai grandi. J'allais faire du canot, puis j'allais pêcher, puis j'écoutais ça à la radio. Puis elle était comme bonne parmi toutes les autres qui passaient à la radio. Là-dessus, une petite pub, puis on revient avec Mathieu Boudreau. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. C'est un bleu comme l'aube. La vivacité du citron se fond dans la bergamote. Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, je suis pressée, ma femme attend dans la voiture. Le trèfle parfumé, une nouvelle collection. Fait comme ça, les légendes de ta mort étaient fausses. Voilà, je ne suis pas mort, en effet, cher citoyen terrien. Je suis toujours là. Hashtag, c'est moi. Hashtag années 90. Hey, j'étais là en tabarnak. Ouais, 91, 92, Ninja Turtle, Fluo. Ouais, G.I. Joe, écoute. C'est là que t'as appris les bases de ton métier de maintenant, dans le fond. Ouais, ben oui, ben justement, c'est de ça que je te parle cette semaine. Ah, hein. Oh, ouais. Salut. Des bases de mon métier. Salut Mathieu, content. Salut, je suis content. J'aime ça quand t'es à cœur ouvert. Moi. Ouais, on a passé la journée ensemble, Tommy. C'est vrai. Cette semaine. Je sais, j'étais là. Ben oui, on est ensemble. La grosse affaire. Cette semaine, une histoire triste, hein, tu sais, du genre qu'on entend trop souvent. Puis ça s'est passé au mois de mars cette année aux États-Unis. C'est un adolescent de 14 ans qui tue son père et son frère dans un sanglant massacre, qui appelle la police, puis qui dit « J'ai tué ma famille, venez m'arrêter. » Puis pendant l'arrestation, il est calme, puis tout, puis il dit finalement aux policiers que ça fait longtemps qu'il avait prévu tuer sa famille, puis qu'il trouvait vraiment hot le personnage de GTA V, Trevor, plutôt cool parce qu'il aimait tuer les gens, puis il se met en colère. Ça, c'est deux affaires bien compliquées à faire. Ça, c'est deux choses des fois qui vont ensemble, Tommy. Exactement. Ouais. C'est facile de faire une addition. Fait que mon fils, il voit ça sur YouTube. Tu sais, c'était un petit résumé, là, comme il aime faire, là, en 3D. Tu sais, le montage. C'était des bonhommes comme les Sims. Puis il se tirait dessus. Puis... Fait qu'il me regarde, puis il dit Papa, c'est-tu ça le désespoir? Question mature. Ouais, ben, il est pucé, il a 8 ans. Et ça, c'était vraiment triste, hein, quand il me demande ça, parce que le désespoir, ça veut dire une perte d'espérance, hein. Et l'espérance, ben, c'est la seule chose que la religion puis les banquiers nous ont pas pris, Tommy. À date. Ouais. Fait que c'était un peu un message d'espoir ce soir que je voulais lancer. Tu sais, je suis pas tout seul là-dedans, hein. Je suis pas tout seul là-dedans, mais je me cherche un job. Bring out the gib. Ouais, c'est comme ça. C'est ma psy qui m'a conseillé ça. Ça ressemblait à « Pardonnez-moi de vous appeler par votre nom d'homme de paille ». Mais monsieur Boudreau, vous n'aurez pas le choix de vous coller à la dure réalité des faits. Hein. Que ce soit les démons intérieurs, les préjugés ou le temps, tuer n'est jamais la solution. Il vous faut un vrai travail et là, vous pourrez vous tuer à la tâche. Et c'est bien les petits, ça. Voilà, et ça, c'est pas très facile à faire quand ta tâche, c'est de tuer. Oui, je suis un tueur professionnel, Tommy. Bon, je fais partie. Ouais, tu le savais. Ben, écoute, on jase. Je peux l'avouer le plus. On se connaît hors onde, là, nous. On sait de quoi tu parles. Oh, oui. Je fais pas partie d'aucun syndicat, hein. Et ça, on dit non reconnu par mes pères, hein, dans le milieu. mais ça va bien. Tu fais pas partie de ton ordre, bro. Non, c'est ça. Moi, j'ai. Les petites mafias du dimanche soir. Non. Ça a jamais freiné ma carrière, ça, Tom, là. J'ai été reconnu, hein, bien plus qu'à mon tour, hein. On se souviendra de l'affaire Smith, entre autres. La bombe de l'avenue Park, hein. Ou encore la défaite des Canadiens de la semaine passée. Ça, c'est trois choses, Tommy, pour lesquelles j'ai fait de la prison, hein. T'as fait de la prison pour la semaine passée? Pour la défaite des Canadiens? Ça va vite, il y a eu une défaite des Canadiens. Ouais, mais c'est... pourquoi tu fais de la prison pour la défaite des Canadiens? Ah, mais c'est quand même pas moi qui les a laissés rentrer, les petites pocs, là. C'est vrai, c'est non, vrai. J'ai pogné une heure. C'est le goaler qui connaissait rien. Ben, c'est ça. Hein. Moi, j'ai tué à l'âge de 3 ans. Pas à l'âge de 3 ans, pardon. J'ai tué pour la première fois à la même âge que mon fils, hein. C'est-à-dire 8 ans. Ouais. C'est un bel âge. Tu veux dire, depuis qu'on a commencé à se parler, ton fils a tué quelqu'un? Non. J'ai dit à la même âge que mon fils a présentement. En fait. Ok, désolé. Ouais, c'est ça. Désolé. Mon fils n'a pas encore tué. Je le soupçonne de vouloir faire une parade une fois par année, Tommy. C'est louche, en effet. Hein. On entretient le préjugé qu'on veut. Hein. C'est que tu l'avais pas écrit. Non, celle-là, elle est sortie. Ok, bring it. Ouais, c'est ça, à l'âge de 8 ans, au volant. J'avais habilement volé le char de mon père et remarquablement bien rentré dans un mur de béton, hein, à 710 km de chez nous. Ce qui a fait dire à ma mère plus tard, c'est un autodidacte. Oh, oh. Quand j'ai écrit ça hier, j'étais pas sûr, moi non plus. L'autodidactie, Tommy, qui ne m'a pas empêché de prendre les conseils de certains grands hommes, hein, que j'ai connus. Dans mon enfance, Mario Labrosse. Le grand Mario. Ouais, le jardinier alcoolique. Lui, c'est vrai, Tom. Non, mais j'écoute avec... Ouais, ouais. Je ris, c'est un réflexe naturel. Ouais, je comprends. C'est l'inconnu qui t'arrive... Exactement. Mario Labrosse, le jardinier alcoolique, lui disait « À champignons donnés, on regarde pas la princesse. » un grand sage. Ben voilà, je me doutais bien de ce que ça voulait dire. Sinon, à l'adolescence, il y a mon grand chum Larry. Ouais, lui, il disait tout le temps « Reste fidèle, fais ce que t'as à faire, puis rentre souper. Ouais. » Et il est devenu flic, étrangement. lui, flic impeccable, mari attentionné. Ironie du sort ou destin figé dans l'écho des livres anciens, un jour, il n'est pas rentré souper, Tommy. Oh non. Voilà, personne n'a su vraiment ce qui s'était passé. Mais je sais de sources plus que sûres, Tommy Guy. Là, je vais juste prendre un appel, ce sera pas très grave. Ouais, allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Ah bien. Je pourrais pas passer outre, Tommy. La mention de Martial Ouimet. Martial Ouimet, le voisin fou, hein, qui ramassait des TV pis des vieux pneus. Lui, il disait, dans la vie, faut pas que tu te fasses remarquer, hein. Pis là, il se baissait les culottes et il se brassait la graine. C'est vrai. Joignant le geste à la parole. Voilà. C'est exactement pour nous montrer comment ne pas se faire pour ne pas se faire remarquer. Et là, c'est ça. Un autodidacte le dira, hein. Il y a rien de mieux qu'un contre-exemple. C'est vrai. Voilà. La question que je me pose, hein, c'est pourquoi un enfant de 14 ans préfère tuer comme un héros de jeu vidéo plutôt qu'espérer, hein. Espérer. Mais j'ai pas de réponse, Tommy. Qu'espérer? Avoir de l'espoir. J'en ai parlé tantôt, l'espérance, Tommy. Il réfléchit fortement là-dessus. Bon, voilà. Ben, j'en ai pas plus de réponses. Ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je suis là pareil. La souffrance, hein, de ce monde-là, c'est tellement subtil, tellement sur plein plan. Je suis là, comme tout le monde. On te regarde, man. T'es ben, même sur le web, t'es dans les tuyaux, ben, t'es immortel. Te donne-moi une réponse, moi j'en ai pas. C'est, je pense tu veux que je te donne une réponse entre l'espoir ou tuer des gens dans des jeux vidéo? Ouais. Pourquoi? Ouais. Pourquoi les jeunes? Y a-tu de l'espoir là-dedans? Ben, moi, je pense que tuer du monde dans des jeux vidéo, c'est un symptôme de rien. Là. C'est un jeu vidéo. Non, non, mais tuer des gens comme... dans la vraie vie, en prenant... Non, mais en fait, l'idée, c'est que on est tous... on prend tous des modèles dans la vie, tu sais. Et là, ça, ton modèle... Ça ton prend modèle, surtout les petits gars. Voilà, c'est ça surtout les héros. Petits gars qui ça veulent être des G.I. Joe, des dragons. Des Joe Sakic, des Hubert Reeves. Être des dragons. Ouais, moi, je veux plus vieux, je veux être un dragon, tu sais, ça arrive. Mais c'est ça, on veut tous faire ça. Et là, on évacue cette espèce de d'espérance, là, en fait. C'est un terme chrétien, hein. L'espérance, c'est une vertu, en fait. Ouais. Mais ça veut dire bien d'autres affaires si tu mets d'autres symboles dessus. Et ça veut rien dire en même temps s'il n'y a pas de finalité à ça. Voilà. Ça ne fait qu'évoluer. Qu'est-ce que l'espérance et qu'est-ce que quelqu'un qui prend comme modèle un jeu vidéo pour tuer sa propre famille, comme ça, dans l'indifférence, là, la plus totale. Ouais, parce que lui, il a dit, moi, j'ai tué ma famille parce que je voulais ressembler plus à la personne dans le jeu vidéo. Lui, il fitait plus avec ce que je suis. Mais Fidèle Lachance, il va regretter dans le temps. Fidèle Lachance disait que parfois, on perd l'espoir, puis on le cherche, puis on cherche l'espoir, puis on finit toujours par le retrouver dans l'espérance. Alors voilà, c'est une première piste de pas du tout une solution pantoute. Ben l'espérance, c'est une vertu, hein. Donc qui peut être contre la vertu? Certainement moi. Ben, c'est vrai, il y a moyen. Non, c'est vrai. Il y a moyen. Mais je ne sais pas, écoute, je ne sais pas. Je me pose cette question-là. Fait qu'on en est là. Ben c'est ça. C'est la fin de ta chronique? J'ai posé une question. On est à discuter, tu nous as ouvert au débat, Mathieu. Il ouvre la porte. J'ai ouvert une porte à l'espérance, mon ami. Bien. Trouvez la réponse et gagnez un t-shirt à douteux.tv. Ben moi, ça me fait penser, il y a un épisode du Sandman de Neil Gaiman, qui est pas mal une de mes BD qui fait le plus que je suis comme je suis, qu'à un moment donné, il se bat contre un démon en faisant un débat, tu sais, là, lui, un petit peu comme dans Aladdin, là, Merlin de Disney, tu sais, il y en a un, il dit, moi, je peux être ça, moi, je peux être ça, moi, je peux être ça, puis là, il y en a un, il dit, ah, moi, je suis un dragon qui te mange, puis là, ben, moi, je suis un dinosaure trop gros, blablabla, puis là, ça monte, jusqu'à temps qu'à un moment donné, le démon dise, ben, je suis un trou noir qui absorbe tout. Puis là, ben, le héros, il dit, ah, je suis l'espoir. Oh, et puis là, ben, l'espoir gagne. C'est comme la fin de... Un peu comme un yin et un yang, là. Le petit point dans le milieu est un peu l'espoir. Ok, je viens de saisir. Je vais aller prendre mes pilules, Tommy. Fait que peut-être qu'il n'y a pas vraiment... Peut-être que la vie, son but, c'est de pas trouver de réponse à cette question-là. Je pense que Tommy vient de gagner le t-shirt à Bouteau.tv! Un coup d'œil sur la circulation maintenant? Ben, je pourrais. Merci, Tommy. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait ma semaine. Hey, check bien la prochaine. Tu vas aimer ça bien gros. C'est Gail Thames Goes With Everything. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bonne scène-là. You son of a bitch! Got you pushing the big pencils? Huh? Had enough? Take it easy on yourself, bitch. We'll be right back. it knowing to quit, huh? Damn good to see you, Dutch. What is this fucking type business? Oh, come on, forget about my type. I heard about that little job you pulled off in Berlin. Comment ça va, Tommy? On est là pour la célèbre et très attendue chronique parce qu'on s'en fout solide de David Saïd. De quoi tu nous parles? Ça va très bien, ça va très bien. Ben aujourd'hui, ça va être assez simple. Ben, ça se devait être simple. Malheureusement, je vais avoir besoin d'aide de vous à la maison et probablement d'un professionnel qui est à ma droite, Étienne Forêt. Pour mes, tu sais qu'on va parler de la Coupe du Monde, hein, tu sais que j'ai des images exclusives à vous montrer en toute fin d'émission sur ce qui se passe au Brésil actuellement, à Rio en fait. Ben oui, t'avais ton ami qui était là-bas. Là, exactement, exactement. Sur le terrain. Sur le terrain. Au cœur de l'événement. Au cœur de l'événement, au cœur du centre commercial le plus proche d'un stade. Là, tu vas tout voir. C'est malade. Fait que t'as réussi à impliquer un centre d'achat dans ce trade-là, j'adore ça. C'est comme le point Godwin des années 90. Sinon, on a comme quelqu'un qui nous chante des affaires en background. C'est quoi ça? Ce qu'on voit derrière, en fait, parce qu'évidemment, comme tu sais, je suis revenu pour parce qu'on s'en fout, on va parler de la Coupe du Monde qui commence le 12 juin très prochainement. Oui, oui, oui. Je suis très, très content de te revoir. Le sujet, c'est une autre affaire, mais on aime tellement ça te revoir qu'on est prêt à prendre n'importe quoi. Ouais, exactement. Bon. Ce qui arrive, c'est que Sabnevet aura une petite chanson thématique, un petit quelque chose qui va nous mettre dans le rythme. Malheureusement, ce qui devait être un va sur YouTube puis donne ça à Tommy, ça s'est complexifié parce que sais-tu que cette année, il y a une bataille de tunes de Coupe du Monde. Ah ouais. La Coupe du Monde n'est même pas commencée. Exact. Le football n'était pas commencé. Mais celle qu'on voit là, c'est pas la ça, vraie. Ça, c'est la toune officielle, effectivement. On voit, c'est la toune de Pitbull. On voit Jello qui vient d'embarquer. Et ultimement, il va y avoir Claudia Lettier, qui est une artiste brésilienne, évidemment. Ouais. Ce qui arrive avec cette chanson-là, ce qui est un peu controversé, c'est qu'elle se passe pratiquement tout en anglais. Jello chante la portion espagnole. Et puis finalement, l'artiste brésilienne, de Chic, qui est elle, qui est son petit bout de portugais. Tout aussi que la tonne est plate à chier. Là. Mais regarde. C'est ça qu'on parle de l'éléphant. regarde, c'est quoi? C'est un mec. En allemand, il est tout en blanc. Ils ont monté une scène sur une rue à Miami. Il danse, il n'y a même pas de ceinture. On est en pantalon blanc, pas de ceinture. Même pas de ceinture. Et puis, entre des collages de vieilles parties du Coupe du Monde. La civilisation, c'est fort. Tiens, il n'y a plus d'espoir, je te l'ai dit. Quelqu'un sur YouTube a accès aux mêmes images et fait littéralement le même vidéo. Ouais. Je veux dire, on a été vraiment dans la grosse, grosse facilité. Oui, effectivement. Ben oui, il y a quelqu'un qui l'a posté sur mon Facebook, justement, en disant chercher la toune la plus plate du monde, puis découvrir que finalement c'est le thème de la Coupe du Monde. Puis il me l'a mis sur mon Facebook. Qui commande? Le chalet de. On a vu le maillot de l'équipe de France. On va passer à la prochaine chanson. Je vais vous montrer qu'on. Déjà, en fait, le combat. Elle finit dans seulement une minute. Peux-tu nous parler d'une affaire qui nous intéresse pas, personne? Non, comme je pourrais vous donner des chiffres. C'est vrai, on n'a pas encore donné des chiffres. Je sais que vous êtes. Donne-moi un chiffre impair, s'il te plaît. Un chiffre impair? Je te le rapporte demain. Je vais t'en donner deux. Je vais t'en donner deux chiffres impairs. Le premier, le chiffre que je te donne là, je l'ai regardé à 19h13. OK. Bon. Le deuxième, la vidéo que vous êtes en train de regarder, mesdames et messieurs, à 19h13, 57 497 125 vues. Ah, bon, écoute, je suis vraiment satisfait de ces chiffres-là. Merci, David. Voilà. Ben, je les rapporte la semaine prochaine. C'est parfait. On va passer au prochain vidéo parce qu'évidemment, je vous parlais pas de ça s'il y avait pas un Nemesis dans l'histoire. Mais c'est quoi l'affaire là? Comment il y a du monde qui en ont créé une par eux-mêmes puis qui veulent que ce soit elle la bonne? La question est vraiment pertinente, Étienne. Oui. Ce qui arrive, je vais devoir te donner d'autres chiffres. Okay, c'est en 2010. Ah, c'est du yogourt avec celle qu'on aimerait mettre. Ouais. Ouais. Mais là, casse pas le punch, Tony. Tony. Mais là, j'allais dans la face, le punch. Je sais, attends, passe-moi de là. Oh my god. Effectivement. Fait que là, les chiffres. Ce qui arrive, c'est qu'en 2010, la dernière Coupe du Monde, la chanson officielle, c'était Shakira avec Waka Waka. Oui, je me rappelle de ça. Je sais que tu t'en rappelles de ça. Tu savais qu'il y avait une tune pas officielle, un peu moins officielle de Coca-Cola qui était chantée par Kenan, qui est un Canadien, prof, qu'on entend plus parler, qu'on n'entend plus parler. Pas vu ça, non. Mais le vrai chiffre que tu veux savoir, c'est que la chanson Waka Waka, c'est la chanson MVP de toutes les Coupes du Monde, elle a vendu sur iTunes 10 millions d'unités. Tout quand moins, 1,8 million aux États-Unis. Donc, on peut comprendre pourquoi que faire une chanson, ça peut te prendre une après-midi, Étienne, tu sais ça. Ouais, surtout une chanson comme ça, ouais. Une après-midi. Ouais. 10 millions. Ben, il y a Fidèle Lachance qui les fait en 20 minutes. OK. Ben. Quand il pleut. Mais tu sais qu'il y a plusieurs 20 minutes dans une journée. Ouais. Tu connais ça? C'est ça. On me confirme que oui. Jusqu'à l'autre. Ouais, ça va. Donc. En fait, elle est mieux d'être cochonne parce que c'est beaucoup de gaspillage. Et voilà. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est repointée, donc, c'est pas officiel. D'ailleurs, Sony l'a barré de ses différentes plateformes pour laisser la place à la chanson temps. Officielle. Et puis, le plus drôle là-dedans, c'est que la chanson La La La, vous devinez pourquoi qu'elle s'appelle comme ça, là? Je sais pas. je pense qu'il faut lire dans les... Il y a La La La Human Steps qui danse dedans. Ça serait pas mal, ça serait... Edouard Luck et Shakira, je sais... Ben, probablement, non, ça... Ben ça, c'est qui? Pourquoi elle a été faite, celle-là? Ben, en fait, c'est juste pour faire l'argent. C'était pour s'essayer, voilà, puis... Exactement. C'est la toune, c'est... Ils ont le droit, là. Ils peuvent faire ça, là. Mais c'est du quoi? Elle profite de quelque chose d'intéressant, parce que... Tu sais qu'il y a des genres de petites émeutes. Actuellement, ça se passe pas super bien. Oui, j'entends dire que, ouais, que c'était pas bien reçu, étonnamment. Je sais pas pourquoi, apparemment... voilà, donc... Déporter du monde, puis raser des gâteaux pour faire un stade à des millions de dollars. Ça a été mal reçu. C'est moi, les gens. Dans un pays qui est borderline, pays de pauvreté. Je sais pas, ben, en voie de développement. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, Brésilien, respectez notre Coupe du Monde. Ben, là, écoute, ben. Trouve-toi une job, c'est tout, est-ce que moi, je me lève des fois le matin. Ben, moi aussi, je me suis levé l'autre matin, je m'en rappelle très bien. Il y a un cherche au gauche-tard. Non, mais c'est ça, exactement. C'est des emplois, c'est le fun pour les gens qui veulent faire des stages en construction. Il y a beaucoup de stages. Et donc, là, t'es en train de me dire, on a une compétition entre ces deux tounes-là, puis c'est bien important. Ouais, exact. Exact. Puis, y a-tu des... Y a-tu une place où on peut voter à 1$ par appel? Ben, en fait, Étienne, toi, tu pourrais voter pour ta préférée. Je l'utiliserai comme chanson thème pour les prochains Parce qu'on s'en fout pour la Coupe du Monde. OK. Ben, il va falloir que je les écoute correctement parce que là, on les entend pas vraiment pendant qu'on discute. Mais c'est celle avec Shakira. Je les écouterai les deux chez nous, puis je t'enverrai ça. Exact. Puis, ce qui est intéressant de savoir, un fun fact, c'est que, justement, Shakira... a marié Gérard Piqué, qui est un milieu chez le FC Barcelone. Mieux. Ce qui arrive donc dans son vidéo, c'est qu'il y a plein de petits caméos de vrais joueurs de foot versus la tune originale, que c'est un collage de trucs faits sur YouTube. Parce qu'elle a l'accès au... Puis elle est baguée par accès, le mot est dit. Accès chez Fimper. Et baguée par Diogo aussi. Là. Voilà, fait qu'on... On voit l'enjeu. Donc, si jamais il y a des gens qui sont pas d'accord avec le choix d'Étienne Forêt la semaine prochaine, c'est vous laisserez m'écrire. Argumenter. Meilleure, c'est celle avec Shakira. On est d'accord, tout le monde. Étienne, il veut la checker. Je vais l'écouter avant. Ça dépend de ton penchant pour Miami Vice. Hein? Ouais, c'est vrai que ça. Miami Vice, c'était bon. Fait que pour terminer, Tommy, il commence à faire chaud ici. Oui. Je vais vous laisser avec le premier clip d'une dizaine de secondes. Mon ami Perrine, donc, qui est au Brésil, qui était dans un centre d'achat et qui a vu, ma foi, grâce à la technologie développée par l'équipe de Yoda, un hologramme de l'équipe de Yoda. Voilà. Ah ouais. Et donc, voilà. Bonne semaine, tout le monde. Ciao. Merci beaucoup, David. Merci. On va écouter ce clip-là. Est-ce qu'elle a filmé à l'envers? OK, je vais la remettre. Comme Patrick Lafrance. Comme Patrick Lafrance. Patrick Lafrance style. Là-dessus, c'est notre désinformation de la semaine. On écoute ça, on est à 70%. On vient avec... ça va vite. C'est Marc-André Brûlé, encore une fois, qui fait ça. La Belle, right? La Belle, oui. Oui, merci. C'est toutes des images qui sont débattues au palais de justice de Gatineau. Toutes des images postées sur la page Facebook du groupe de douteux.org. Et c'est 4200 membres et plus. Des chefs brouteuses. Ça continue de monter. Écoute, à tous les jours, je reçois 8 notifications et plus. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, qui disait. Ouais. Dig to see everyone on 4338 membres. 4338, oui, c'est bon. C'est un chiffre pair, là, si quelqu'un pouvait... Il y en a une couple qui sont partis parce qu'ils étaient tannés parce qu'il y avait des débats, mais tu sais, on peut comprendre, là. Il disait, eh hey boy, mais ben, s'il vous plaît, tu sais que ça, il est content. Il a commencé à travailler au McDo, là, 50 ans. Hein. Ben ouais. Il dormait, opération sauvetage. Ouais. Ça c'est la ville du bonheur. Hein. C'est, en fait, c'est à l'opposé de Valleyfield, si on. Le pro, il game, il est chumé à table! T'es en train de chumer à table! Parce qu'il y a rien de niveau ici! Notre prochain invité, hein? On a très exigeant qui est en feu. Regardez. America's Nuclear Arsenal. Ben ouais, tu fais pas d'update si ça marche pas, tout le monde le sait, ça. Ça, c'est sûr que c'est ça. Le monde veut maigrir, c'est ça. Maudit gluten. Je te glutenerais ça, moi. Ah oui, ça, je m'en rappelle de ça, Pornhub, qui plante des arbres. Oh, ça inspire le respect, cette nouvelle-là. Ouais, c'est... tu restes pas libre. Une vasectomie par accident, c'est pas pire parce que ça peut se replacer. C'est sûr que c'est deux opérations vraiment épaisses, une après l'autre. Ah ben oui, oh, wow. Pourquoi pas? Ils ne veulent qu'exprimer leur amour. Ça, c'est une bonne idée. Bravo. Oui, sérieux, ouais. Ça cool, ça. Ah. Que mémé ait suivi. Ça a l'air qu'il a scoré après. Non! Peut-être pas avec mamie, mais on y souhaite mieux. Histoire ben, surtout à mamie. Ben, ça peut-être à Valleyfield. Un jeune homme fringant, tu sais. Un jeune homme fringant, mamie. Check bien ton générique. Wow! T'as des problèmes d'épilepsie, regarde-le pas. Si t'en as pas, ne regarde-le pas non plus. Regarde-le pas, on va mettre en cam un peu. Il danse avec les chats. Ah, hey, c'est merveilleux. Je capote déjà d'être ici. Je suis hautement heureux. Je suis hautement content. Merci les gars de me recevoir dans vos locaux. Plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Ah ouais, si on aurait fait ça avant. Hey, mais on y croirait pas quand on le regarde de chez nous, mais tout est vert ici. Ah ouais. Hein? Ça, c'est ça qu'on voit pas à l'écran. Hein? Mais non, ça on le voit pas à l'écran. Là pour l'instant. On le voit pas du tout. Ce que tu vois, puis l'écran. Parce que là, en 2014, les gens sont pas encore au courant qu'on utilise les technologies de green screen et blue screen. Ils pensent qu'il y a vraiment, comme on a réellement invité une armée de fantômes pour être derrière toi en ce moment. Qui, ouais. Là, il y a. On a Mathieu qui le dit. Quand devenir flou, tu sais. Et voilà. Mais moi, je contrôle ça avec une pédale, juste ici, quelque part ici. Non, je suis content d'être ici j'aime ça, aujourd'hui. T'as mis un t-shirt du gars dans Il était une fois un pilote dans l'avion. Et, non, c'est le gars qui joue dans mon film préféré, Master of Disguise, le maître du déguisement. Oui. Hein? On s'en souvient, c'est ton ouais, excellent film. Excellent. Bam! Entendons-nous. Je suis conquis. Mathieu Niquette, on est content de t'avoir à la télévision avec nous. Ben, je suis ultra content d'être ici. Sincèrement, je vous mentirais si je vous disais que j'ai écouté la majorité de vos épisodes. Ouais. J'ai écouté plusieurs épisodes. C'est important de parler longtemps de ce que tu viens de dire. Là. Exactement. Ben, je pense que oui. Et l'idée, c'est que là, ces temps-ci, vous m'avez pogné dans la semaine la plus occupée de ma courte vie. En ce moment, je suis méga dans le jus. Fait que j'ai décidé de faire quelque chose, mais on m'a dit que c'était correct de le faire. J'ai décidé de recycler une chronique de Dessier des Rêts. Si t'en avais pas parlé, il y a personne qui l'aurait su. Je sais, mais moi, je suis un grand livre ouvert et c'est ça qui fait mon charme. C'est vrai ça. Et voilà, on va vivre avec ton charme, Niquette. Alors, c'est un truc que j'ai écrit parce que ça donne bien que tu m'invites cette semaine, Tommy, parce que c'est la fête, en fait, c'était la semaine dernière, la fête à Mathieu Monette, mon ancien coloc, l'ancien coloc à moi et Maxime Gervais. Un excellent Mathieu, soit dit en passant. et à son anniversaire, ce qu'on fait, une tradition qui dure depuis 7 ou 8 ans, on fait une tournée des bars de Valleyfield. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Valleyfield est la 10e ville au Québec avec la plus haute proportion de bars par habitant. Voilà. Ça, c'est quand même un fait notoire, quand on va se le dire. Ouais, c'est pas pire, c'est une belle réussite. Depuis ce temps-là, Mathieu Monette organise une tournée des bars à chaque année et on fait environ entre 12 et 14 bars de la fois. Et là, c'est rendu... L'année passée, disons, on est monté à 45-50 personnes au pic de la soirée. Les gens nous voient arriver. Et ça m'a fait penser d'écrire un conte parce que moi, je me suis mis à la place des commerçants qui nous reçoivent. Et là, je me suis dit, eux autres doivent nous voir arriver. Là, ils ont l'habitude, c'est correct, ils savent on est qui. Mais les premières années où on arrivait à 35-40 personnes, un peu chaudasse, à 11h, 11h30, on commençait à 7h, faut dire, on devait avoir l'air des espèces de monstres et ça devait en inquiéter plus d'un. Alors, ça m'a donné l'idée d'écrire un conte d'épouvante. Qui a été écrit en 2013, l'année dernière. Et ici, je vais vous la refaire à l'aide de DJ George en personne, qui me partira ma trame sonore à l'instant même. Et place au théâtre, parce que je suis un grand comédien. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est tellement vrai. Alors, si tu peux me mettre... Oh, ça commence ça smooth. Ah, voilà. Tu l'entendais pas, mais à jouer. C'est bon. Je suis prêt. Je suis là. Tout cela commença par une brise inhabituelle. Une brise chaude et très chargée. Chargée d'une électricité... Non, plutôt chargée d'une magie. Déjà, les anciens savaient ce qui les attendait. Et déjà, on entendait le bruit sourd des volets qui se ferment, des portes qui claquent et des loquets qui se verrouillent. Puis, vinrent les murmures paniqués, les rages indignés et les soupirs découragés. Aujourd'hui, ici... Maintenant? Pourquoi? Pourquoi? Vint ensuite la résignation, le grand silence, le recueillement. Le cataclysme imminent survenait annuellement depuis bon nombre d'années sans que rien ni personne ne puisse y faire quoi que ce soit. Visiblement, l'an 2014 ne ferait pas exception à la règle. Ce fut durant ce long silence ponctué de sanglots et de reniflements que le sol se mit à frémir. Dans les tavernes et les tripots, on savait que sous peu, une délégation monstrueuse de créatures aux silhouettes vaguement humaines allait déferler comme les mythiques sauterelles de la Bible, bien qu'il n'y ait absolument rien de catholique dans leur comportement, pour ne laisser derrière elles que dépit, destruction et désolation. Le compte à rebours était commencé. Le souffle se changea progressivement en vent. Le vent en rafale, puis la rafale en tempête. L'écho des cris des bêtes semi-humaines se réverbérèrent à travers tout le village, se rendant même jusqu'au village voisin de l'autre côté des ponts. Et l'odeur. L'odeur. Un mélange âcre de putréfaction, de sueur et de fermentation. Pour la vaste majorité des citoyens, c'était cette odeur qui rendait l'événement littéralement insupportable. Les étourdissements et les évanouissements, les hauts le cœur et les vomissements, tout cela était coutume suite au passage de ceux que l'on appelait maintenant les monstres. Non. Et pour plusieurs semaines, voire un mois ou deux, tout le village était imprégné de cette odeur. Elle était ancrée dans les tissus, les bâtiments, les animaux, les hommes et les femmes, mais surtout, elle était ancrée dans les mémoires comme un cauchemar épouvantable. Au fur et à mesure que la malédiction se rapprochait, l'ambiance devenait de plus en plus terrible. La tempête prit de l'ampleur. Certains esprits plus excités parlèrent même d'un ouragan. Le vent souffla de toutes ses forces, entraînant les nuages noirs et chargés dans une danse plus qu'inquiétante. Les cris et les sons grotesques qui sortaient de la sombre assemblée s'intensifièrent de plus en plus, devenant complètement assourdissants. Et l'effluve émanant du troupeau avait depuis longtemps dépassé le seuil de la supportabilité. C'était le moment crucial. Celui où les citoyens, tous barricadés à l'intérieur, allaient découvrir les horribles visages des monstres. Ils étaient là, tout près. On voyait même leurs longues ombres difformes projetées sur les pavés de la place publique par un rayon de lune qui avait trouvé son chemin à travers la tempête. Soudainement... Ce fut le silence complet et total. Même le vent s'est magiquement arrêté d'un seul coup. Tous les gens retenaient leur souffle. À cause de l'angoisse et de l'attente, oui, mais surtout à cause de l'odeur. Puis, on vit apparaître une toute petite ombre. C'était un homme au crâne légèrement dégarni et à l'allure rigolote. Il était haut comme trois pommes, mais musclé comme un dieu grec. Ses vêtements se déchirant presque sur son corps quand il respirait, ou plutôt quand il haletait, parce que notre homme ne semblait pas être dans un état normal. Non, il respirait avec difficulté, se déplaçait en vacillant sur ses jambes, et ses yeux semblaient avoir été baignés dans l'huile. Il tituba donc jusqu'au centre de la place publique. Il prit quelques secondes pour s'installer solidement sur ses deux pattes. Il inspira profondément. Puis on entendit un horrible grognement mêlé à un gargouillis immonde, tous deux supportés par un hurlement bestial qui lui-même était poussé par une vague de dégueulis dégoulinants qui semblait sans fin. C'était le signal. Tout redevint instantanément aussi cataclysmique que quelques secondes auparavant, et les créatures se mirent à se déchaîner, à tout ravager, à tout piller, à tout boire et à tout manger, dans ce qui était maintenant devenu une sordide bacchanale. Les gens qui étaient assez courageux pour supporter la vue de cette horreur fixaient incrédules la cinquantaine de bêtes incontrôlables qui détruisaient encore une fois une partie de leur bourgade bien-aimée. Comme à l'habitude, ce spectacle désolant dura toute la nuit. Puis, au fur et à mesure qu'ils furent repus et satisfaits par la quantité de rage qu'ils avaient évacuée, les monstres quittèrent un à un ce que l'on dut désormais appeler le village fantôme de Salaberry de Valleyfield. C'est une histoire tragique à réécouter, Mathieu. Ça... C'est toujours un peu émotif. Ça va bien. Puis ben oui, là, ben... c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est que samedi, tout ça va recommencer encore une fois. C'est ça. On sait jamais. On sait jamais comment ça finit par virer. Merci, Mathieu. On va écouter une toune de Nicolas. Ça va te remettre sur le piton, ça, mon gars. Merci beaucoup, Mathieu Niquette. En spectacle en fin de semaine à Valleyfield. Et toi, tu t'enfuis. Oh yeah. On vient de faire 70%. Je voulais vous prendre en privé juste pour vous dire merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cette heure et demie. Allez pas trop loin parce que juste après cette dernière intervention de ma part, je vais parler encore. Je vais présenter le long métrage de ce soir, c'est-à-dire l'excellent Low Blow. Cuba avec Billy Blanks, mais je voulais prendre un petit peu de temps pour remercier sincèrement l'excellent Mathieu Niquette qui est passé nous voir en studio. On a eu aussi on a eu les gars de Total Crap qui sont passés, Étienne Forêt, Mathieu Boudreau, Fred Fournier, on t'aime, hein? Je veux que tu sois là la semaine prochaine, check tes flûtes, et puis j'oublie David Saïd. Là-dessus, allez pas trop loin, on va parler de Billy Blanks et puis de Low Blow, le film de ce soir qu'on va écouter juste après ma présentation. C'est gratuit, c'est pour vous autres, c'est vraiment le luxe. On est à douteux.tv, bouge pas. On écoute une dernière tonne de Lemon Twist. Lemon Twist. Le matin, la nuit, éveillé ou endormi, je sens ses gestes et ses cris, ses amours, ses envies, solitaire, assoupi, elle me réveille chaque nuit. Faiblit et disparaît par magie.